Show, c'est magique. Diva, ma soeur en Christ, Zamazo Mona. Vous en avez la vie. La reine Aminata, Julien Bala, mon staff. Bana magie, on est à London. Papson is a bonga Versace, Nono Yengo na Brown Sweet, MC Rogers le leader, Apo Firenze Ousmane Kaloudji, Simon Bongo Nickel Kipewa, Vivi Kelly Bebe Mounanga, Simon Citadels de Mukalemba. Calouco de Papi Kanza. Patrick Diamona. François Boloa, Papa la Franquelle, Mère Malou Première, Julien Bala, Pépé Akunji. Mutila, Tchaka. Julie et Louriel. Papson. Alain Saint-Pierre, commandant Aubrey de Air Africa, M.K. Moussa l'international, de Bertine Bomolo, Bon Baptiste Gunther, Jésus de Londres, Bopesso. Cette lumière si lointaine, beaucoup trop loin de moi, celle qui n'éclaire guère mes nuits, c'est toi Sarah, c'est toi Sarah. Moteur à la Kisakanzela, Bazara toujours si manaillé. Ote mananga izikuya bolingo, la mesa na kopesa na mulo na moto na linga ye po abatina nga ise boye na mokilo ya yewe lela nasala nini na pampasi ya mbolingo nanga mwana moto na lengi bati mokonja onatra yo na edoli tobolisa bango baza na molongo motema na ngai zwi bashoke ya lamoro nasala nini nga mwana mama yo As Diop na botutu ya boinga ile bora mesana te liso se solo me melinga imote ma abangona la zeki bacholinga kitoko na yo eluta banganga onga na poni na ngayo mwana mamie papa oki atuta monzele binemi na yo bakwe ya mayanga o bamifiti nyonso yo oyo baina kachuma ye je le sais Omer Luboula banani baga ba jalou na yo Yeah. Mama, Basakila. Oui, boy. Hassan Koku, Rosti Eka. Elvis and the Nalina Rocky, Bettina London, Minou Miss Univers, et se creuse mon machette de mon affection. Maître John, Maître Le Mabé, Maître Bobo Vandal, Maître Kamba Kamusela. Ma pesa mpasa ma famika la zambo sukanga lema cimetière yango yo boke na nga wapi osukisa nga ata wana. Ma pesa mpasa ma famika la zambo sukanga lema. Depuis les États-Unis, quartier latin à Canisibino. Jean-Jacques Bayonne 5 sur 5. Et le plus vieux Johnny Ngo. Mangala, mwana mwana Mbuye, nikakuyo yo yo yo. Mbuye, nikakuyo. Mbuye, nampia yo yo yo. Mbuye, kwetu yo yo yo yo yo mama Aji kutangila babula Aji babwe njibu molongo yo yo Molongo ya maja Aji chisomi Aji chilandeo Aji chitekila karanda Aji chikaremu Aji kitetela yo Kwa shani bandu nye kwa tele Ita chini mune mukasi yo yo yo mafuku yo Jiba Mulowa Akrame. Notre Père qui est aux cieux, Yomoko Zomona, ma Pambolito Zoa. Quartier latin antidopage. Edo Olito Benga Pati Bokodia Onatra Lokako Zambe Zomona Le Chokoro Babiandonga Azoma Pamboli Bela mosange okokabani nye zambe na sengi senayo bomengo banyama yele oh monya ne papananga moto mpasi mama botinga ne mabala moteme itonda mposa okokabela mosange okokabani nye zambe na sengi senayo bomengo banyama yele Thank you. réalité. Mondo. Oh, chapaka. Aya kambangu boingona ngai. Merveilleux. Mote me koti bokono basusi na lembi. Kiaka longora ngara pasio yo. Tata na ba papi, kuna eza awate, ekirinu, Leonela. Isis Suzuki, Chebiso Selikampa, avec piscine, Mami de Rosa. Evelina Mongolo, c'est l'obanse. Appelle Tumba Masikini, ou de robot école. Mère Bita la blonde, Mère Véro la congolaise, Stania Temo, Dédé Abadédé Armani la Fribourg, ou Mami Matundu, Agnès et Fournier. Damukati, Nicole, Nikita, la Maison Blanche, Jepika Kitenge, Michine Nomba Wana, PDG à Quartier Latin, Pakoumele Loko, Ado Moujangi, Koko bake na kabokila Azonga kina wanto lila wanzete Tazama zamiyo ya melanga mame Firma vantajo ya melanga mame Alphonse Lukundula ya maka Olivia na Jani Lisiba moto pela chacho omoni bulo omoni bulo oye magate bulo sentima le bo yokuma bela uzana tope ici c'est pas la body ozoki dia Chantima le beau Kabila. Papa Nayan. Papa Noël, la boue de Saïd, ma camo et maman, va bien que vous êtes papa. Pour faire un mot d'ogo. Yo, pembe. Mère Maloué, yo na maman Oshoué, boy de saïté mbisi à salaka le fond de balai. Anima ka tete à côté kamalika ebou na wenze. Princesse Moski, bébé qui goma, boy de saïté, et demi na yeza obéye. Papa top le grand libanais, Théo. Voilà. George Weah. Richman Ansi, le seul. Bolo à Bonza quoi, papa na Franck. A Jojo, we a Jojo Bundu, Telito, Telito, yeah. Pide Jemu, Mama, Genia, Miba, Sukisa, Nicolette. Dama Mira Jamais à Capzella.